Remercions vite le ciel à travers nos espoirs, à travers nos orages. En dehors du temps, en dehors du temps, elles sont sûres, elles possèdent son savoir. Peut-être par ce qu'elles font, par ce qu'elles font, par la piété. Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge, Sainte Vierge. Elles l'ont vu, elles ont dit waouh. Le faisant venir au repas. Venir au repas.